Jean-Paul est adhérent de la FOC Mayenne. Il a suivi la formation. Quelle stratégie mettre en place pour pérenniser son exploitation ? Il a osé investir en partant de ses besoins pour mieux vivre. Il y avait un virage à prendre à long terme avec énormément d'incertitudes. C'est-à-dire que notre voisin le plus proche et ami, on savait qu'il allait bientôt céder sa ferme et que stratégiquement, nous, si tant est qu'il voulait bien la céder, ça nous changeait la vie. C'est-à-dire qu'on pouvait passer éventuellement de 19 hectares de surface pâturable autour des bâtiments à 55. Il y avait beaucoup de choses qui, moi, personnellement, me paraissaient des barrières insurmontables. Dans le même sens, pour notre part, dans les freins, donc vous l'avez bien compris, il y avait l'histoire, mais il y avait aussi le regard familial, c'est-à-dire que dans les campagnes, mais je pense que c'est valable aussi dans les autres corps professionnels, le regard de la famille est très très fort. C'est-à-dire que dès le départ, quand mon père déjà il voit que je ne mets plus d'engrais, il en mange sa casquette, quoi. Et donc, dès lors que j'ai commencé à faire quelques investissements, c'était dramatique pour la famille. Et donc, déjà que moi j'avais le trouillomètre à zéro, d'avoir le regard des siens qui est négatif, c'est hyper dur. C'est hyper dur. Une chose qui m'a désinhibé dans le fait d'oser investir, ça a été pour notre part, alors parce qu'on avait des besoins de confort dans la maison, et tanné par mon épouse, j'ai accepté de faire des travaux alors que je m'en faisais une montagne. Et en fait, par le biais de... On a été aidé parce qu'il y a pas mal de schémas pour capter des aides. Et ça, par exemple, ça a été un levier du fait qu'on a réussi à faire ces investissements sans que ça ne nuise au bon fonctionnement de l'exploitation. Ça a été un levier dans ma tête pour me dire, si on arrive à faire ça alors que je croyais que ce n'était pas possible, faisons-le pour le reste, quoi. Donc, c'est des petits leviers, mais moi, j'ai fonctionné comme ça. Je dis ça en déconnant, mais je fais partie des gens qui ont eu des grosses difficultés financières. Et aujourd'hui, alors ça peut, j'espère que je vais choquer personne, mais je dis, je suis riche de cette expérience-là. Sous-entendu, on n'a pas le même regard, c'est-à-dire que encore faut-il être debout et pouvoir parler aujourd'hui. C'est une fois qu'on les a traversés, on peut être vraiment un lien et force de soutien à toute personne qui passe ces moments-là aujourd'hui. C'est un animateur qui m'a posé la question qui tue. En formation, on parle de nos problèmes. Dans chaque formation, on dit, Gérard, Céline, Christelle, c'est quoi tes problèmes aujourd'hui ? Alors chacun énumère ses problèmes. Moi, je dis, moi, je suis toujours avec mes problèmes de santé. Et puis, l'animateur, il pose la question comme ça, c'est quoi ton plan B ? Merde, je n'avais pas pensé à ce truc-là. Quoi. Et donc, et vraiment, c'est trop con, mais je n'y avais pas pensé. Et donc, c'est fort de ça que je me suis dit, il faut peut-être y penser. Et pour le coup, ça a déclenché autre chose. C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'effectivement, si je ne faisais pas avec Claire des travaux pour me ménager, j'allais pas au bout. Et donc, finalement, tout ce qui m'était cher me passait entre les doigts. Et donc, ce qui a été décidé suite à cette formation-là, c'est de dire, peut-être qu'on n'ira pas au bout, mais on va faire les investissements. Et c'est parti, quoi. On n'en bénéficie pas encore aujourd'hui, concrètement, mais ça y est, c'est parti. C'est en bonne voie. Et ça nous redonne la banane, quoi. Cette série documentaire est une initiative de l'Interafog en partenariat avec la Disquette. Réalisée par Guizanumo, accompagnée par Noémie Monnier et Mathilde Leriche. Avec le soutien financier du ministère de l'Agriculture. Merci à toutes les personnes qui ont témoigné et à l'AFOG Haute-Garonne-Ariège pour l'organisation de ces rencontres.